L'exhaleur. J'ai rien d'un omniscient, juste un homme qui aime les siens, cherchant leur bonheur comme un ange qui donne le sein. Un jour viendra, j'y arriverai, personne ne sait, qui sera là pour payer l'addition de mon décès. Tellement déçu, j'ai balayé le verbe avoir de mon vocabulaire pour dépoussiérer le savoir. Chacun sa voix, moi c'est quand j'écris que ça va. Et aux dernières nouvelles, on m'a répondu nique sa race. Mais bordel con, ne comparez pas ma vie à vos rêves. Mort et enterré, ma richesse n'a rien de matériel. Je remercie le ciel, ma merci maternelle. Ouais j'ai la foi, c'est naturel d'aimer la terre mère. Moi j'ai compris que seul le temps est éternel. Ma beauté intérieure, ma bonté était réelle. Donc mon message est de mèche avec ma sagesse. Et mec sache que pour te le dire, ça ne demande qu'un geste. Hein, c'est pour les femmes de ma vie. La petite Clara, mon ange Marie et Stéphanie. Pour mes amis, pour Maxime et Axanti. On n'oubliera rien si un jour on doit sentir. Moi j'ai jamais voulu chanter dans les ténèbres. Pendant que j'évolue, je me contente de rester les mêmes. Y'a d'éphémère, on verra bien où mes envies me mènent, mec. Je respecterai toujours les gens qui se démerdent. Moi je m'en fous que certains me détestent à mort. Et ouais je vous donne tout, je n'ai pas besoin d'un testament. Je me suis engagé sans passer les tests avant. Et qui voulait me barrer la route est arrivé presque à temps. J'ai cessé de croire que la vie de rêve m'attend. Et depuis je te reflète ce que la détresse m'apprend. Aucun regret, les grands m'ont fait rester patient. Pour que j'ai bougé les gants pour gratter mes textes à 100. En vérité, moi je me dois de libérer mes prose. L'erreur est humaine mais je ne prétends pas éviter les fautes. Dans chaque couplet, j'aurai cité mes causes. Je passe mes journées à rechercher le plaisir de mes proches. Je reste moi-même, je sais combien ce monde est faux. Demande à Mohamed, chaque jour je combats mes défauts. Écoutez bien, j'aurais voulu trouver les mots pour vous dire combien je vous aime, pour vous prouver mon amour.